Le prénom, c'est le film idéal pour une soirée entre amis. C'est léger et amusant. Un film français autour d'un dîner dans le huis clos de la salle à manger, comme je les aime. Cette comédie avec Patrick Bruel, qui joue le rôle d'un futur père, ne vous changera pas la vie. Mais je me souviens avoir passé un bon moment en le regardant.